Bonsoir à tous, il est 21h et vous êtes actuellement sur Radio Fadjet en train d'écouter le nouvel explorateur. Vous avez choisi le sujet de cette émission sur mon Instagram qui est Aven, AV_EN_. C'est le pseudo de mon Instagram. Vous avez eu le choix entre la Belgique et les Pays-Bas. Sur les Pays-Bas que vous avez choisi aujourd'hui, l'émission sera donc sur les Pays-Bas, mais nous avons un invité ainsi qu'un changement dans le programme de l'émission. L'invité se nomme M. Rose. Et qu'est-ce que M. Rose fait dans la vie? Enfin, pourquoi est-elle là? Alors, ce que je fais dans la vie, je suis chanteuse et compositrice, rappeuse aussi. Et donc, je fais de la musique et aussi du cinéma. Enfin, j'écris beaucoup à côté de la musique. À mon avis, on va bientôt entendre parler de toi dans tous les journaux, dans tous les médias. Et la première fois qu'on a entendu parler de toi, c'est ici sur Radio Fadjet. Ouais. Alors, nous écouterons durant cette émission deux musiques des Pays-Bas ainsi qu'une musique provenant de l'invité. Nous découvrirons une ville néerlandaise. Nous découvrirons cette ville néerlandaise entre la dernière musique des Pays-Bas et la musique de l'invité. Et en avant toute, pour la première musique de l'émission qui est Van Meij pour The Jay Fate, Jandro et Zephanio, la prodigie Kenza et Vogue. Et c'est Radio Fadjet dans le nouvel explorateur. Il est quasiment 21h10, je crois. Et nous sommes le 14 janvier 2020. Bonne année. Et c'est maintenant. Ah, G, ik bel Jandro gelijk op en ik kom gelijk die kans. Ja, safe. Zie je daar. Jij bent van mij. Yeah. C'était Van Maes de Jay en featuring avec Jandro et Zéphanio sur Radio Fadjet pour Van Maes. Et qu'en a pensé l'invité de cette musique? Moi j'aime beaucoup beaucoup. Déjà le néerlandais j'aime bien et en plus le zouk comme ça c'est super agréable et dansant, j'aime beaucoup. Et notre invité qui est, je vous rappelle, Emrose. Et on peut la suivre sur Instagram et Facebook. Ouais, Instagram, Facebook, Twitter aussi, mais je suis pas active sur Twitter, donc plutôt Instagram beaucoup et Facebook un peu. Je vous ai dit au début de l'émission qu'il y aurait deux surprises. La première, c'est l'invité. La deuxième, c'est celle qui arrive, c'est là. Je ne sais plus si je ne vais plus vous demander à chaque fois le sujet de l'émission, mais je vous demande dès à présent de choisir le sujet de toutes les prochaines émissions sur mon Instagram, qui est Aven, A-V underscore, E-N underscore. Le sondage sera en story Instagram. Vous avez le choix entre la Suisse et la France. Nous verrons toujours le même pays, mais nous changeons de ville à chaque émission. Et en plus de cela, il devrait y avoir un invité par émission, et ceci jusqu'à la fin de la saison, qui sera à peu près vers fin avril, début mai. Allez, en avant tout pour la deuxième musique de l'émission, qui est Leaf de André Haz. C'est Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur et ça arrive maintenant. Beide in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Pak alles wat je kan. C'était André Haas pour Live sur The Fudget dans le Nouvel Explorateur. Et on va voir dès maintenant une ville néerlandaise. La ville néerlandaise, c'est Naarden aux Pays-Bas. Naarden est une ville ravissante dans la région verte du Gooi. La cité est l'une des villes fortifiées les mieux conservées d'Europe. Naarden fut l'un des plus importants ouvrages de défense de la nouvelle ligne aquatique. Nuois on Lund, Waterlinie, et reste toujours aussi impressionnant. Naarden est une des villes fortifiées les mieux conservées en Europe. Faites une promenade sur les anciennes fortifications datant de plusieurs siècles. Découvrez les bâtiments historiques et les monuments de Naarden. Naarden possède un système de fortifications en étoile, comprenant des remparts et un fossé. Le musée de la forteresse est incontournable pour tous ceux qui souhaitent voir les casemates, en savoir plus sur la place forte. En flânant à travers Naarden, vous verrez d'autres édifices et monuments historiques, comme l'église Saint-Vit ou Grande Église, une grande basilique gothique datant des 14e et 15e siècles. Passez une journée à Naarden et découvrez un impressionnant ouvrage de défense, le cœur historique et des environs verdoyants. Une autre raison pour aller à Naarden est le concert de la Passion selon Saint Matthieu de Bach qui a lieu le vendredi saint à la Grande Église. Et je vous le rappelle que pour mes prochaines émissions, vous pourrez voter pour le sujet des prochaines émissions sur mon Instagram qui est Haven, AV_EN_. Elle vous aurez le choix en story entre soit la France, soit la Suisse. Et à chaque fois, nous visiterons une ville différente durant. Et ça ne sera jamais la même ville durant toutes les émissions. À chaque fois, on changera de ville, c'est-à-dire une émission, une nouvelle ville. Et ce, jusqu'à fin avril, début mai. Et maintenant, il est temps d'écouter la musique de l'invité. La musique de l'invité qui est Emeros pour La Pêche, le clip officiel. C'est maintenant sur Radio Fudget dans le Nouvel Explorateur. Il a gagné son hameçon et la prise était bonne. La pêche à la moule et le passe-temps peut faire rêver des hommes. C'est un gentil garçon, mais il aime contourner ses formes. Elle a vite constaté, elle évite constamment. Pourtant elle n'aime pas les filles, même si à ce sujet sa famille se questionne. Suivant son humeur, elle fait des tas de screens. Il la touche en plein cœur, comme une fantale escrime. Sur le papier, il saigne son stylo bi pour lui dire à quel point c'est la plus jolie. C'est mis dans son enclume, son amour est un règne. Il étale sa plume, il sait lui dire je t'aime. Il lui déclare sa flamme, il scelle ses mots doux qu'il envoie à sa dame, rêvant de ses bisous. Il a garni son hameçon et la prise était bonne. La pêche à la moule et le passe-temps préféré des hommes. C'est un gentil garçon, mais il aime contourner ses formes. Elle a vite constaté, elle évite constamment. Pourtant, elle n'aime pas les filles, même si à ce sujet sa famille se questionne. Il a garni son hameçon et la prise était bonne. La pêche à la moule et le passe-temps préféré des hommes. C'est un gentil garçon, mais il aime contourner ses formes. Elle a vite constaté, elle évite constamment. Pourtant, elle n'aime pas les filles, même si à ce sujet sa famille se questionne. Elle est si belle et douce qu'il ne peut résister. Il veut toucher la source de son intimité. Il ne se gêne pas de caresser son corps, mais elle ne lui dit pas qu'elle en voudrait encore. Il pense à elle souvent, même nu sur la dune. Il se penche en avant pour contempler sa lune. Son rejet l'insupporte, il n'a pas le droit d'entrer. Faut pas casser la porte quand on n'a pas la clé. Il a garni son hameçon et la prise était bonne. La pêche à la moule est le passe-temps préféré des hommes. C'est un gentil garçon, mais il aime contourner ses formes. Elle a vite constaté, elle évite constamment. Pourtant elle n'aime pas les filles, même si à ce sujet sa famille se questionne. Il a garni son hameçon et la prise était bonne. La pêche à la moule est le passe-temps préféré des hommes. C'est un gentil garçon, mais il aime contourner ses formes. Elle a vite constaté, elle évite constamment. Pourtant elle n'aime pas les filles, même si à ce sujet sa famille se questionne. Étourdi par l'alcool, il la resserre encore, espérant lui faire perdre ses sens en un temps record. Il escorte dehors, elle s'écarte sans cesse, ça va se corser à la Scorsese. Il a pris un taxi pour la ramener chez lui, elle s'est cabrée sur son ego, c'est le loup de la street. Dans son corps il s'infiltre, finit sa belle innocence, puis vient le silence. Il a gagné son hameçon, et la prise était bonne. La pêche à la moule et le passe-temps préféré des hommes. C'est un gentil garçon, mais il aime contourner ses formes. Elle a vite constaté, elle évite constamment. Pourtant elle n'aime pas les filles, même si elle se sujet, sa famille se questionne. Il a gardé son hameçon et la prise était bonne. La pêche à la moule et le passe-temps peut ferrer les hommes. C'est un gentil garçon, mais il aime contourner ses formes. Elle a vite constaté, elle évite constamment. Pourtant, elle n'aime pas les filles, même si à ce sujet, sa famille se questionne. Et c'était la pêche de Emrose. Emrose qui est là et qui a des déclarations à nous faire. Le clip là de la pêche est sorti en 2019, mais là en 2020 j'ai sorti un clip le 11 janvier qui s'appelle La Diète et qui parle des troubles alimentaires, qui a été réalisé par Victor Cuvillier avec figuration Agathe Crinchant qui n'a pas encore figuré dans mes... Enfin qui a déjà figuré dans des clips, mais c'était sa sœur jumelle qu'on avait vue dans la pêche, c'est pour ça qu'elle se ressemble beaucoup, mais ce sont bien des sœurs jumelles. Voilà. Dédicace à elle. Ouais. Et maintenant, vu qu'il nous reste un peu de temps, on va écouter la musique du probable invité qui sera dans l'émission suivante. C'est-à-dire, aujourd'hui nous sommes le 14, il sera là à peu près vers le... Enfin, à la fin du mois, quoi, le dernier mardi du mois. Il s'appelle SNJ et c'est posé maintenant sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Ouais, mon gars. Bien quoi? Ça dit quoi? Ah, moi je suis posé là. Ouais, mon gars. Vas-y, on se capte là-bas. Je suis posé, mon flow est dosé. Tu peux pas dire qu'on est décé. Moi je domine, me font encaisser. La musique là, je peux pas arrêter. Fonga DC, sur l'entrée, j'irai jusqu'au dessert. Dans le gâteau, je veux croquer. Je veux ma part solide à côté. Gourou m'a côté, il m'a mis fait. Boca kiffé, je m'en fous des critiques. Tant que ça, un clic-clic. Enlever mes tout bêtes, aller vite. L'humain est égoïste, c'est moi qui vous le dis. C'est chacun pour soi. Et hey, Dieu pour qui croit. Le chanteau descend trop du sommet. Pour éviter de t'y voir. Il, elle a dit, je sais pas qui croit. Allez tous vous faire voir. Pendant ce temps, je suis posé. Je suis calé posé. On est posé. Je m'en fous d'être observé. Posé, je suis calé posé, on est posé, je m'en fous d'être observé. Posé, rageux, font que parler, posé, parler, parler, parler. Posé, rageux, font que parler, posé, parler, parler, parler. La vie n'est jamais à long couloir, y'a des hauts, y'a des bas. Chaque famille a son histoire, chaque famille a ses problèmes. La vie est faite de faux semblants, tu me dis que ça va, ton cœur me ment. Je te demande, mais ta réponse m'importe, quand t'es gentil, les gens s'emportent. Rapporte l'argent et ferme la porte. C'était SNJ pour poser sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. SNJ, c'est sûrement le prochain invité de l'émission. Donc restez connectés Et c'est bientôt le mot de la fin. Est-ce que notre invité d'aujourd'hui a quelque chose à dire pour la fin? Bah, j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait. Et en plus, il vient de Nancy, donc c'est trop cool. Voilà. Allez, à quand le feat entre Juliette Ambrose et Sanji? Je sais pas, faudrait déjà qu'on se rencontre, mais c'est cool. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Allez. Du coup, là, vu que c'est terminé, bah, eh bien, n'oubliez pas de voter pour le prochain sujet de la prochaine émission. Ça sera sur mon Instagram, Aven, AV_EN_. Et est-ce que l'invité votera aussi pour le sujet de la prochaine émission? Ouais. On se dit à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas de souhaiter une bonne année. On a le droit de souhaiter une bonne année jusqu'à fin janvier. Puis, je vous laisse. Là, on a clairement dépassé sur le temps de l'émission. On est déjà à 22 minutes. On va mettre le jingle. Et on va se dire au revoir dans 3, 2, 1, c'est parti.